une histoire particulière. À Paris, il y a un hôtel qui célèbre trois couples bien connus de la littérature. Victor Hugo et Juliette Drouet, Georges Sand et Alfred de Musset, et enfin Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Leurs relations plus ou moins tumultueuses et leurs écrits ont inspiré la décoration du lieu. Leurs histoires d'amour ont marqué celle de la littérature française. Les pièces dédiées à Paul Verlaine et Arthur Rimbaud sont probablement les plus touchantes. Au plafond, un ciel voilé et des nuages sombres ont été imprimés sur une tenture pour rappeler la relation pour le moins orageuse des deux hommes. Au fond du placard, le papier peint est décoré par des motifs de bouteilles d'absinthe, alcool qui a enivré les deux amants. Dans cette chambre élégante et masculine, mêlant motifs pieds de poule et camaïeux de gris, on dort ainsi sous le célèbre regard du jeune Rimbaud. Tout de suite, Olivier Chomel et Rafik Zénine vous offrent la dernière histoire particulière de l'année 2018 sur fond de romantisme, dualité et passion. Nous avons eu la joie de connaître Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, des choses nous séparent de lui sans que, bien entendu, notre très profonde admiration ait jamais manqué à son génie et à son caractère. À l'époque relativement lointaine de notre intimité, Monsieur Arthur Rimbaud était un enfant de 16 à 17 ans, déjà nanti de tout le bagage poétique qu'il faudrait que le vrai public connût et que nous essaierons d'analyser en citant le plus que nous pourrons. L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique, au visage parfaitement ovale d'ange en exil, avec des cheveux châtain clair mal en ordre et des yeux d'un bleu pâle inquiétant. Ardennais, il possédait, en plus d'un joli accent de terroir trop vite perdu, le don d'assimilation prompte propre aux gens de ce pays-là. Paul Verlaine, 1883. Une histoire particulière. Verlaine et Rimbaud, premier épisode de l'influence du hareng sur les lettres françaises. Olivier Chomel, Rafik Zénine. Verlaine ne va jamais oublier Rimbaud. Bernard Bousman. Et c'est grâce à Verlaine qu'on va connaître Rimbaud. C'est lui qui fera connaître Une saison en enfer, c'est lui qui fera connaître Les illuminations. Je pense que sans Verlaine, tout le monde aura oublié Rimbaud. Hein. Et puis après, ça va décoller, les surréalistes vont s'emparer de Rimbaud et il va devenir la légende qu'il est devenu. Marc Gaillot, par quoi est-ce que vous la commenceriez, cette histoire ? Ah, je la commencerai par ce petit mot de Rimbaud. Je viens de lire Fête galante. C'est charmant ce petit ouvrage. C'est charmant et c'est drôle en diable. C'est un des courriers qu'il adresse préalablement à leur rencontre à Verlaine. Non, et à Delahaye. Delahaye. C'est le gros Bretagne qu'on a complètement oublié, mon pauvre Bretagne, qui est né à Vouziers, hein. Personne ne sait que ce monsieur est né à Vouziers, qui a connu Verlaine adolescent. Auguste Bretagne, ouais, ouais. Qui sera l'intercesseur un c'est peu. C'est ça, c'est ça. Le tout premier contact, il est là, de ce Rimbaud qui rêve de rencontrer des poètes en vrai, en chair et en os, de ceux qu'il ne rencontre pas à Charleville. Dans les poètes en chair et en os, ben, il y a ce nouveau poète, Paul Verlaine, sans oublier qu'à l'époque, Verlaine est un jeune homme. Il a 25 ans à la sortie de Fête Galantin, Rimbaud en a 16. Voilà. Ce qui est troublant aussi dans cette rencontre, c'est à quel point le destin fait tout pour que ces deux gaillards se rencontrent. Hein. Depuis Auguste Bretagne, petit fonctionnaire à Fampoux qui croise Verlaine, enfin, tout est mis en place pour que ces deux gaillards-là se trouvent à un moment ou à un autre. Hein. On dirait qu'ils se cherchent. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas comment faut appeler ça. Je ne sais pas s'il faut appeler ça le hasard, le destin, la route, les chemins. Je ne sais pas. Henri Sépi. Nous sommes à la fin de l'été 71. Bon, des choses se jouent très concrètement à ce moment-là pour Rimbaud. Et dans l'histoire de France, entre parenthèses. Dans l'histoire, évidemment, de France, ou parisienne, on va dire d'abord, hein, si vous voulez, effectivement, dans ce qui se joue à Paris, en termes de grands bouleversements politiques et sociaux. Et cette guerre, c'est le mot que Rimbaud utilise, est aussi, bien sûr, transposée sur le plan poétique et contribue à lui inspirer un certain nombre d'impulsions, d'élan, on va dire, transgressif, séditieux à l'égard de la tradition à l'égard de la citadelle poétique. Alors bon, évidemment, c'est un moment charnière, c'est un moment de transition important qui voit effectivement apparaître très vite cet interlocuteur privilégié que sera Verlaine et qui va devenir évidemment le compagnon d'enfer, hein, bien sûr. Lucile Penel. Et là, Verlaine lui envoie, Rimbaud envoie à Verlaine une lettre où il lui explique en gros sa situation. Il lui envoie un texte et là, Verlaine tombe immédiatement sous le charme et se cotise avec d'autres poètes pour lui payer son voyage à Paris et l'inviter officiellement à Paris. Et donc, Rimbaud arrive à Paris. René Guiton. Ça commence mal parce que Rimbaud vient directement au domicile des Motets de Fleurville, c'est-à-dire la jeune épousée de Verlaine vit chez ses parents avec Verlaine et c'est elle qui finalement fait la connaissance de Rimbaud la première. C'est le premier contact. Un grand gaillard aux mains rouges, il pue. Il est rempli de puces et de poux. Il parle un fort accent ardennais et un langage de charretier. Cette espèce d'attirance et de répulsion fin rouge qu'on trouve entre Mathilde et Rimbaud dès le premier regard, c'est terrible ce truc. Ça se passe mal tout de suite. Ah, une petite ingénue de 18 ans qui n'est capable de parler que de la taille du yabaldaquin et de la couleur des rideaux. Elle m'insupporte. Oui, et elle, en retour, le considère comme un énergumène, un sinistre compagnon de son mari. Pardon. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous voulez visiter ? Pour avoir quelques informations, surtout. Venez, venez, venez, on va faire une petite pause de 2 secondes. Pour le 3 août, ouais. Pour notre mariage, ouais. Pour voir... D'accord. Super. Voilà, si vous voulez refaire un tour, je vous ouvre. Ça vous embête ? Vous vous mariez chez Verlaine ? Oui. Et oui. Pourquoi ? Parce que c'est tout mignon. D'accord. La mairie de Juniville rentabilise un tout petit peu le musée en le louant pour des vins d'honneur de mariage. Il est espiègle, hein. Dans son œil, ça se voit. Mais il faut être dingue pour se marier chez Verlaine. C'est pour ce qu'ils veulent, hein. On était à la rencontre entre Mathilde Motet, épouse Verlaine, et Rimbaud. Elle se produit telle qu'elle est, de façon un peu fortuite, parce que Verlaine et je crois Charles Cros étaient venus le chercher à la gare, et ils se sont ratés. Et Verlaine a filé... Rimbaud a filé directement. Rimbaud a filé chez les Verlaine, on les mélange toujours, c'est Verlaine, c'est Rabenne aussi, et Verlaud. Eux aussi se mélangeaient un petit peu, ouais. Si. Et on imagine la gêne de cette rencontre-là, de ce face-à-face. Surtout que c'est chez les beaux-parents. Et le premier repas de souvenirs se passe pas très très très bien. Je crois que Rimbaud fait un peu exprès de faire du bruit en mangeant, de fumer la pipe à l'envers. Il y a des précédents et Rimbaud est un être très très intelligent et il les voit tout de suite les précédents. Alors c'est quoi les précédents ? C'est que Verlaine a besoin pour être debout... Pour tenir debout, pour ne pas aller au vent mauvais, il a besoin d'écrire. Et le moment où Rimbaud arrive, ben Verlaine n'écrit plus, il est incapable d'écrire. Il ne sait plus écrire, il n'y arrive plus du tout. Et Rimbaud s'attend à tomber sur un Verlaine sublime, il tombe sur une loque. Et Rimbaud, malgré toute son intelligence, reste persuadé que tout ça, c'est de la faute de Mathilde. Lucile Penel, vous êtes directrice du musée Rimbaud à Charleville. Pour l'exposition de l'été 2018, vous avez fait venir du musée d'Orsay une toile importante de Fantin Latour, qui montre des gens de lettres, dont Verlaine et Rimbaud, sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette toile, Lucile Penel ? Cette toile, elle raconte pas mal de choses. Déjà, elle est assez importante parce que c'est la seule toile où on voit Rimbaud et Verlaine représentés côte à côte. Elle est importante aussi parce que c'est une des rares toiles où on voit Verlaine qui est finalement représentée jeune. Verlaine a fait rentrer Rimbaud au milieu des cercles littéraires qui étaient en action à Paris, notamment le cercle du Parnasse contemporain et puis le cercle zutique. Cercle du Parnasse contemporain qui faisait des repas régulièrement qu'on appelait les dîners des vilains bonhommes. Et cette scène représente ça, ça représente une rencontre entre des écrivains qui lisent leurs textes autour d'un repas ou autour d'un verre. Il y a 8 personnages. Oui, on a 8 personnages. Donc on a Rimbaud et Verlaine côte à côte. Et puis après des poètes qui ont finalement été un peu oubliés, comme Léon Valade, Émile Blémont ou encore Ernest d'Hervilly. Tous des poètes qu'aujourd'hui on ne connaît pas forcément, mais qui ont écrit dans les Parnasses contemporains. dans cette revue et qui ont permis aussi à Rimbaud de découvrir plein de choses de lui, petit Ardennais qui arrivait de sa province. Et pour la petite anecdote, sur le côté droit du tableau, on a un bouquet de fleurs qui n'était pas censé être là au départ, qui remplace en fait Albert Mera, un poète qui s'est disputé avec Rimbaud et qui a refusé d'être représenté sur le même tableau que Rimbaud. Rimbaud, pour que Verlaine puisse se remettre à écrire, il doit détruire tout ce qu'empêche Verlaine d'écrire. 41 Parnassiens, dont Verlaine va se couper parce qu'il cautionne Rimbaud. 12 Vilains Bonshommes, dont Verlaine va se couper parce qu'il cautionne Rimbaud. 5 Zutiques, dont Verlaine va se couper parce qu'il cautionne Rimbaud. Un Rimbaud. L'entonnoir, il est phénoménal. Il ne reste plus qu'Arthur. Verlaine partage, comme beaucoup, je pense, le sentiment de stupéfaction que, par exemple, Léon Valade transmet à Émile Blémont dans une lettre d'octobre 1871. Alors je vous cite, par exemple, l'extrait. Il s'agit effectivement du dîner des vilains bonshommes auxquels le 30 septembre 71, Rimbaud avait été introduit par Verlaine. Voici donc ce qu'écrit Valade à Blémont. Là fut exhibé sous les auspices de Verlaine, son inventeur, et de moi, son Jean-Baptiste, sur la rive gauche, un effrayant poète de moins de 18 ans, qui a nom Arthur Rimbaud. Effrayant poète. Depuis l'arrivée de Rimbaud, Verlaine affectait une tenue des plus négligées. Il avait repris les cache-nez affreux et les chapeaux mous. Il restait parfois toute une semaine sans changer de linge et sans faire faire ses chaussures. Mais ce jour-là, ayant passé la nuit tout habillé, il était particulièrement sale et mal tenu. Ce fut pourtant dans cet accoutrement qu'il se rendit le soir même au Théâtre Français, à la première représentation de L'Abandonné de François Coppé. Rimbaud, à cette époque, était horriblement sale. Après son départ de la maison, étant entrée dans la chambre qu'il avait occupée, je fus surprise de voir marcher sur l'oreiller des petites bêtes que je voyais pour la première fois. C'étaient des poux. Lorsque je le dis à mon mari, il se mit à rire, racontant que Rimbaud aimait à avoir ce genre d'insectes dans sa chevelure afin de les jeter sur les prêtres qu'il rencontrait. L'impression que les deux amis produisirent au Théâtre Français fut si déplorable que le lendemain matin, Edmond Lepelletier fit paraître l'entrefilet suivant. Parmi les hommes de lettres assistant à la représentation de la pièce de Coppé, on remarquait le poète Paul Verlaine donnant le bras à une charmante jeune personne, Mademoiselle Rimbaud. Mathilde Verlaine, Mémoire de ma vie, 1935. Henri Sépi, comment se met en place la relation sentimentale entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud ? Il y a, je crois, chez Rimbaud comme chez Verlaine, le désir tout de même d'explorer un petit peu des possibles. Cette question-là est quand même au cœur. D'exercer une certaine liberté. Oui, voilà, de se libérer un petit peu. Alors il est vrai qu'en la matière, Rimbaud sera très vite, très tôt, pour Verlaine, un professeur, hein, un initiateur. Hein. C'est de lui que ça vient, c'est, je pense. Verlaine était, je crois, tout à fait prêt à aménager son intérieur pour faire une place à Rimbaud. On voit très vite que ce n'est pas possible. Et puis, il y a bien sûr le désir de départ, hein, de fuite, hein, bon, qui va s'emparer des deux poètes. On vous suit ? Alors, moi, généralement, hein, je m'installe à la table de Verlaine pour raconter l'histoire. L'iconographie, elle est celle que tout le monde connaît. On a des portraits de quelques protagonistes. Papa Verlaine, maman Verlaine. Décrivez ? Ouais. Donc le père, hein, Nicolas. Le capitaine. Voilà, le capitaine dans le génie français, avec ce buste de Verlaine que j'adore, puisque Verlaine pose pour faire le bronze de ce buste original. Et quand il voit le résultat, il écrit un poème dessus. Un poème qui s'appelle Le buste, et le résumé de ce texte, c'est « Les hommes diront, ce sculpteur, quel génie, et les femmes diront, mon Dieu, qu'il est laid. » Est-ce que vous partagez cette opinion ? Sur la laideur prétendue de Verlaine. Non, moi je trouve qu'il a une gueule de cinéma terrible. Je trouve vraiment qu'il a une sacrée tronche, ce bonhomme. Voilà. Généralement, quand on met une photo de Rimbaud à 17, puis une photo de Verlaine à 26, les gens regardent Rimbaud en faisant « Ah !» puis regardent Verlaine en faisant « Beuh !» La première fois que j'avais lu Verlaine d'Ardoise et de Pluie, que vous avez fait paraître en 1996, Guy Goffet, c'est ça ? On peut dire 96 aussi. Je m'étais dit à un moment que c'était pas possible qu'une telle histoire soit vraie. Je veux parler des bocals. Ah ben pourtant, les vrais. Des trois bocaux. C'était les trois bocals pour lui, oui. C'est son argot à lui. Il est bien certain qu'à la campagne, on entendait souvent les bocals. Hein, des bocals. Des chevals et des bocals, ça se faisait. C'était une manière un peu provocatrice de parler, sans doute aussi. Oui, il parlait pas toi. Racontez-nous les bocals, Guy Goffet. Eh bien, sa mère avait la... Vous savez que Verlaine est l'enfant du miracle. C'est celui qui est venu après trois fausses couches. Et les fausses couches, Madame Elisa de Haye enfermait ses fœtus dans des bocaux. Voilà. Dans de l'esprit de vin, c'est-à-dire dans des bocaux, c'est-à-dire de l'agneau. Oui, de l'agneau, tout simplement. Je vais lire une page de Verlaine d'Ardoise et de Pluie. Paul, le fœtus numéro 4, est arrivé à terme. Il a bu tout l'esprit de vin et ne sent plus sa force quand il cogne à tort et à travers sur ceux qu'il aime et voudrait le retenir d'un peu trop près. Car il est libre à présent, il jure et crache comme un charron, mais il a trois bocaux sur le cœur et trois morts sur l'estomac qui pèsent leur plein de silence et qu'il ne sait pas comment faire passer. Et c'est ça, bon sang, qui lui brûle au ventre, ça que la petite verte de dessous ne parvient pas à endormir, ça qui lui remonte à la gorge et qui lui met le feu aux yeux. Et il aboie nom de Dieu, et terrorise sa mère qui défend son triple trésor comme elle peut et demande pitié. Mais lui n'entend rien que sa rage et ce sifflement à ses oreilles du silence trop longtemps gardé. Il veut y mettre fin une fois pour toutes, la coupe a débordé, ça suffit, la vraie vie commence aujourd'hui. Table rase donc, et voilà, en trois coups, les maudits bocaux par terre. Les trois petits diables roses sur le plancher qui gigotent en glissant dans les flaques. Paul, ô Paul, qu'as-tu fait à ta mère ? Ça s'est produit, il a fini par détruire le trésor et ses trois grands frères. Un jour de folie, oui. Il avait besoin d'argent, comme il disait d'ailleurs. Je veux des argents, et non pas je veux de l'argent. Ouais. Voilà. Et bien oui, c'était la seule manière de d'éteindre sa rage. Et je crois que c'est bocal pour lui, qui représentait tout l'amour de sa mère. Il savait qu'il l'atteindrait par là. Il savait qu'il pouvait se venger une fois pour toutes de cet amour qu'elle portait à ces fantômes, ces êtres fantomatiques. Verlaine, en plus, c'est un lâche. Ah, il s'attaque à sa mère, il s'attaque à Mathilde. Bon, il s'en prend au gosse dans un mouvement de violence, il envoie le gosse valdinguer dans son berceau quand même. Hein, et voilà, il ne l'a pas attrapé et jeté contre le mur. Il a fait valdinguer le berceau. Alors, en quoi est-ce que Rimbaud serait l'homme violent et Verlaine plus ou moins la victime ? Rimbaud, c'était, d'ailleurs, il ne s'en cachait pas. C'était une petite crasse des Ardennes. Un violent, un petit salopio. Je le vois bien faire le casseur. Rimbaud, c'était... Il le disait lui-même. Il savait à quel point il pouvait être... violent, mais il a été violent qu'avec Verlaine, qui se laissait faire d'une certaine manière. Verlaine se retrouvait souvent, après avoir passé une journée au bistrot, il se retrouvait avec le pantalon déchiré, coupé, traversé la cuisse entamée de coups de couteau qu'il lui faisait sous la table. Il avait une sorte de méchanceté comme ça. Il était moqueur. Verlaine, pas. Verlaine n'est méchant que sous l'alcool. Il n'est pas méchant d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait donné sa chemise au premier venu. Et un beau jour, il décide de partir à deux. Verlaine et Rimbaud. Bernard Boussmann, directeur du département des manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique. Donc Verlaine quitte sa famille, Il est tout content d'échapper à cette atmosphère de bonbonnière. Voilà, il respire, Verlaine. Il a une seconde jeunesse alors qu'il n'est pas âgé. Hein. Il a 25, 26 ans. Hein. Il vient d'avoir un petit garçon. Et il vient d'avoir un petit garçon, le petit Georges Verlaine. Et Rimbaud, lui, il est ravi parce qu'il a quitté Charleville, ce trou perdu, il a quitté Roche, et ils partent à deux. Et ils vont arriver une première fois à Bruxelles, où ils sont, je pense, très heureux. Parce qu'ils sont, voilà, ils sont loin de leur famille, ils fréquentent tous les cafés bruxellois, ils se promènent, et ils ont cette relation qui est à la fois une relation amoureuse, mais ce n'est pas le plus important, je veux dire. Enfin, en tout cas, à mes yeux, ce n'est pas ça l'important. Ils s'aiment. Oui, oui, ils s'aiment, bien sûr. Je crois qu'ils s'aiment. Mais le plus important, c'est que c'est une rencontre littéraire. Et ça, c'est quand même assez rare dans l'histoire de la littérature. Et c'est une très belle rencontre littéraire. Pourquoi ? Parce que je pense que Rimbaud a redonné une seconde force littéraire et d'écriture à Verlaine, et que Verlaine a un peu recadré Rimbaud. Je ne sais pas si Rimbaud aurait écrit Les Illuminations s'il n'avait pas connu Verlaine. Ou des choses. Donc c'est ça qui est beau dans cette rencontre. Verlaine a sa femme Mathilde, Bruxelles, mi-juillet 1872. Ma pauvre Mathilde, n'aie pas de chagrin, ne pleure pas. Je fais un mauvais rêve, je reviendrai un jour. Il s'est sauvé avec Rimbaud et ils sont à Bruxelles. Et là, la pauvre Mathilde veut récupérer son mari. Elle tient quand même, ne serait-ce que socialement, à ce que ce mariage tienne, et donc elle décide, avec sa mère, d'aller à Bruxelles pour le ramener. Alors, elle prend le train avec sa mère. Elle parvient à le convaincre et elle le décide à la suivre. Et voilà qu'elle repart avec sa mère et Verlaine pour Paris. Et seulement, il y a la frontière. Quand on sort de Belgique, le train s'arrête. Et voilà que surgit d'un autre wagon Rimbaud, qui a suivi l'équipée depuis Bruxelles. Et il saute sur le poêle de Verlaine et il parvient à le convaincre d'abandonner Mathilde et sa belle-mère et de repartir avec lui à Bruxelles. Donc les deux femmes rentrent à Paris et les deux hommes restent à Bruxelles. Verlaine a sa femme Mathilde, Quiévrain, 21 juillet 1872. Misérable fée carotte, princesse souris, punaise qu'attendent les deux doigts et le pot, vous m'avez fait tout. Vous avez peut-être tué le cœur de mon ami. Je rejoins Rimbaud, s'il veut encore de moi après cette trahison que vous m'avez fait faire. Et puis, voilà, ils se retrouvent et ils décident de partir ensemble à Londres. Et c'est là que commence un peu l'affaire de Bruxelles, qui commence paradoxalement à Londres. Londres, c'est fabuleux. Londres, c'est la révolution industrielle. Rimbaud découvre cette vie mécanique, industrieuse. Et non seulement il y a des trains, il y a des métros, mais il y a un tunnel qui a été creusé sous la Tamise et qui est éclairé avec des becs de gaz. Ah, c'est fabuleux. C'est le bruit de la ville. Et donc là, ils se livrent à tout, c'est-à-dire ils vont boire plus que de mesure, bien sûr. Ils continuent à se quereller le plus souvent possible. Mais bien sûr, parce que leurs amours sont des amours de tigre. Et donc, l'alcool venant exciter, bien, les griffures sont de plus en plus fréquentes. Mais bon, l'alcool faisant, la liberté surtout. Plus que l'alcool, je crois, les emporte. Dans un premier temps, ils sont très heureux. Ils font pas grand-chose, ils donnent quelques leçons de français, ils écrivent beaucoup, et ça c'est intéressant parce que on peut imaginer que Rimbaud travaille déjà certaines séquences d'une saison en enfer, ou travaille déjà certaines illuminations, certainement. Verlaine travaille sur Roman sans parole, qui à mon avis est un de ses plus beaux recueils. Donc ils écrivent beaucoup, ils travaillent un petit peu, ils vivent de l'argent que la mère Verlaine envoie à son fils, et surtout ils boivent. Ils boivent énormément, ils se disputent, ils se chamaillent tout le temps, ils vivent voilà, une vie un peu de vagabond dans cette ville de Londres. En fait, c'est deux chiens errants, hein, ils savent pas très bien ce qu'ils font, ils vont une fois à Bruxelles, ils vont une fois à Londres, voilà. Et un jour, Verlaine part faire des courses. Il revient avec un litron sous le bras et un hareng à la main. qu'il brandit. Parce que c'est lui qui nourrit la famille, en quelque sorte, qui nourrit le couple. Mais enfin, c'est une piètre récolte. Bref. Et Rimbaud se moque de lui, éclate de rire. Mais vraiment, il le trouve ridicule et on imagine la scène. En effet, il est ridicule. Il doit y avoir de ça. Mais ça le met en fureur, Verlaine. Et ça le met dans une fureur que Rimbaud pouvait même pas imaginer. Parce que tout d'un coup, il ne rentre même pas à la maison. Il fait demi-tour et va directement au port pour prendre le bateau et rejoindre Bruxelles. Et c'est la querelle de trop. Maintenant, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? On ne sait pas, parce que comme par hasard, il arriverait à l'embarcadère où il y a justement un bateau qui part. Il part soi-disant sans rien, mais il a quand même des affaires. Voilà, à mon avis, enfin, on ne le saura jamais, hein, on n'a que la version de Verlaine, il y pensait déjà depuis longtemps. Mais c'est typiquement du Verlaine, hein. Verlaine change ses versions, c'est au gré du lecteur. Mais on a retenu l'histoire du hareng. René Guiton, Rimbaud ne s'attend pas du tout à... Mais non, est-ce que Verlaine se comporte comme ça? Mais non, ça le dépasse, parce que c'est pas habituel dans leur rapport. Verlaine est quand même très épris de Rimbaud, ce petit morveux qui le nargue. Qui l'humilie. Et lui est ridicule, avec son hareng dans la main. Qu'est-ce qu'ils vont manger ce jour-là, et son litron? Là, il y a une prise de conscience. Et je pense que là, c'est une solitude, un coup de solitude très fort, une espèce de bouffée qui lui monte jusqu'à la tête, et il se détourne et donc va prendre le bateau et va quitter l'Angleterre, plantant là ce Rimbaud insupportable qui n'arrête pas, hein, qui n'arrête pas en effet tout le temps de le tourmenter. C'est pas une chose qui était imaginable pour lui jusque-là. Et la scène du hareng est datée du 3 juillet 1873. À cette occasion, quand Verlaine s'embarque à Londres pour Ostende, Rimbaud écrit cette lettre assez bouleversante qui commence par « Reviens, reviens, cher ami », que peut-être on pourrait lire d'ailleurs. Bernard Bousman. On va se payer le luxe de le lire directement sur le manuscrit. Ça, c'est la lettre originale avec voilà l'enveloppe, donc qui a été saisie par la police quand ils sont arrêtés. Et effectivement, la lettre de Rimbaud commence par « Reviens, reviens, cher ami. Seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais maussade avec toi, c'était une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on peut en dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je cesse de pleurer. Reviens, sois courageux. » Et alors ça continue. Ce qui est intéressant, c'est que il n'envoie pas sa lettre tout de suite, Rimbaud, et il la termine après avoir reçu la lettre de une autre lettre de Verlaine, où là il est beaucoup plus incisif et il se moque de Verlaine en disant: qu'est-ce que tu crois que ta femme va revenir? Elle ne reviendra jamais, de toute façon moi ne compte plus me revoir. Mais ça, c'est typiquement du Rimbaud est radical. Rimbaud veut un dérèglement de tous les sens, il veut aller le plus loin possible dans l'apprentissage de la littérature, même de la vie. Et Verlaine, il est plus craintif, il marche avec des chaussons, Verlaine. Il aime bien le confort de la vie parisienne, il aime bien les salons feutrés. Mais il a envie de suivre Rimbaud, mais il n'ose pas. Et je pense que c'est ça qui a déçu très fortement Rimbaud. Et je trouve presque que c'est presque Rimbaud qui aurait dû tirer sur Verlaine. Pas Verlaine qui aurait dû tirer sur Rimbaud. Verlaine et Rimbaud. Premier épisode de l'influence du hareng sur les lettres françaises. Avec Bernard Bousman, René Guiton, Marc Gaillot, Henri Sépi, Lucille Penel et Guy Goffet. Texte lu par Octavie Pierron. Prise de son Hélène Langlois et Jérémy Thuil. Mixage Claude Niort. Une histoire particulière. Rafik Zénine, Olivier Chaumel.